me semblait que Michel au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, gens de toutes les langues, enfin... Et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici convié comme chaque jour de cette semaine au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Qu'est-ce que le fragnol? Comment l'écrivain Lydie Salvert a-t-elle été convoquée par Bernanos? Quels sont les visages de la guerre? Comment entrer dans ses entrailles, dans sa propre histoire dans la guerre? Antoine Compagnon, titulaire de la chaire Littérature française moderne et contemporaine, nous invite à rencontrer dans le cadre de son séminaire, lié à sa série De la littérature comme sport de combat, l'écrivain et psychiatre Lydie Salvert, qui a eu le prix Goncourt pour son récit Pas pleurer. Elle nous dit aujourd'hui ce qu'elle doit à l'écrivain catholique Bernanos et nous lira des extraits des Grands cimetières sous la lune, de la prose violente et combattante pendant la guerre d'Espagne. Dans une interview de 2014, Lydie Salvert explique, et je la cite, « La colère de Bernanos m'avait contaminée. Comment pouvais-je me sentir en fraternité, en humanité, avec ce catholique monarchiste, ancien membre de l'Action française ? Et pourtant, cet homme avait rompu avec toutes ses croyances en découvrant les massacres auxquels se livraient les nationalistes espagnols avec la bénédiction de l'Église. » Pensant que la parole christique était dévoyée, il s'était insurgé. Il a fini seul, délaissé par ses anciens compagnons de route, mais libre. Accueillir la vérité d'où qu'elle vienne, même si c'est d'un endroit qui vous gêne affreusement, il n'y a rien de plus beau. Lydie Salvert nous fera entendre ses propres mots. Comment elle a bricolé la langue, redécouvert le fragnol de sa maman. En ouverture de son récit « Pas pleurer », elle écrit, et je la cite, « Ma mère est née le 14 mars 1921. Ses proches l'appellent Montse. Elle a 90 ans au moment où elle évoque pour moi sa jeunesse dans cette langue mixte et transpyrénéenne qui est devenue la sienne quand elle a fui la guerre d'Espagne. » Entre aujourd'hui et hier, Lydie Salvert nous dit sa guerre d'Espagne. Et nous gagnons le Collège de France le 27 mars 2018 pour le séminaire d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Lydie Salvert, Bernanos et la guerre d'Espagne. Aujourd'hui, nous avons le grand plaisir de recevoir Lydie Salvert. Alors, Lydie Salvert a écrit beaucoup de romans, hein, mais c'est celui-ci, Pas pleurer, dont j'avais envie de l'entendre parler. Je voudrais rappeler d'abord qu'elle a une autre carrière, hein, une carrière de psychiatre et même de pédopsychiatre pendant longtemps et par ailleurs une carrière de romancière et une carrière avec un certain nombre de romans depuis les années 1990. Mais c'est à celui-ci que j'avais pensé parce qu'il est question de guerre dans ce livre et il est question... Bon, je ne sais pas dans quelle mesure c'est un livre autobiographique, je l'ignore tout à fait. S'il est question, en tout cas, d'une famille de républicains espagnols, qui, je pense, ressemble à la sienne, et exilée en France à la suite de la guerre civile. Donc, dans ce livre, le livre se situe entre 36 et 39, Depuis l'enthousiasme révolutionnaire jusqu'à l'exil en France, je crois que c'est de cela qu'elle va nous parler, donc peut-être beaucoup d'entre vous l'ont-ils déjà lu, puisque c'est un livre qui a eu le prix Goncourt il y a quelques années, en 2014. Il est aussi, me semble-t-il, une des belles qualités de ce livre, c'est le mélange des langues. Peut-être qu'elle va nous en parler aussi, puisqu'il y a l'espagnol mêlé de français, qui est la langue de la mère ou de sa mère, et la sienne, et une sorte de, non pas de souvenir, mais de recréation de ces années 1936-1939. Donc, très beau livre, et c'est surtout de celui-ci que j'avais envie que nous parlions. Elle a donné pour titre à son intervention d'aujourd'hui « La guerre encore ». Et vous avez donc la parole, et puis... Merci. Bonjour à toutes et à tous. C'est dans l'idée de vous parler de la guerre civile espagnole, qui est un des personnages de « Pas pleurer », que j'ai relu récemment « L'Iliade » ou « Le poème de la force » de Simone Veil. Simone Veil, que j'associe toujours dans mon esprit à Georges Bernanos pour des raisons que je vous dirai tout à l'heure. Simone Veil, philosophe, qui s'engage dans la colonne d'Urruti en 1936 en Espagne pour se battre contre le coup d'État de Franco. Simone Veil dit ceci dans l'Iliade ou le poème de la force. L'un des désastres majeurs de la guerre est qu'elle détruit la pensée. La guerre, dit-elle, en détruisant la cité, en détruisant les lieux où la pensée s'élabore, se confronte, circule, s'expose, la guerre détruit la pensée. La guerre en détruisant le patrimoine, c'est-à-dire la mémoire, en détruisant les cafés, les restaurants, les musées, la guerre détruit la pensée. Et cet anéantissement de la pensée a, dit-elle, des effets irréversibles. Cet anéantissement de la pensée, on peut le retrouver dans un certain nombre, chez un certain nombre d'écrivains, j'en ai retenu quelques-uns, Stieg Dagerman, qui dans l'automne allemand décrit combien les habitants des villes d'Allemagne bombardées par les forces alliées sont dans un état de stupeur, d'incompréhension, de stupéfaction devant ce qui leur arrive. J'ai aussi noté Céline qui dit à sa manière dans son voyage au bout de la nuit que la guerre c'était précisément ce qu'on ne comprenait pas. Et Claude Simon, dans un de ses romans, raconte qu'après un bombardement à Mâcon, où vit sa mère, celle-ci reste interdite et comme incapable de concevoir ce qui se passe, comme si l'événement n'obéissait plus aux règles de la logique et de la raison, comme s'il était inconcevable, comme impossible. Et j'en viens à présent à Bernanos, qui est le grand responsable de l'écriture de mon roman « Pas pleurer », je vous dirai pourquoi et en quoi. Georges Bernanos, dans « Les grands cimetières sous la lune », évoque aussi cette paralysie du cœur et de la raison qu'il attribue, lui, à une forme d'accoutumance à l'horreur. On s'habitue à l'horreur, l'horreur devient une habitude. Et un égal fatalisme, écrit-il, réconcilie dans le même hébétement les victimes et les bourreaux. Et Bernanos a cette phrase terrible, il dit « Oui, la guerre civile ne m'a fait vraiment peur que le jour où je me suis aperçu que j'en respirais presque à mon insu et sans haut le cœur, l'air fade et sanglant. » Quelques mots donc d'abord sur Bernanos, dont l'importance a été considérable pour moi et pour l'écriture de « Pas pleurer ». Il est né en 1888, a passé une partie de sa vie, de sa jeunesse, dans l'Artois, région à laquelle il est resté très attaché et s'est engagé volontaire durant la guerre de 14. En 36, il a déjà écrit deux romans, Sous le soleil de Satan et Journal d'un curé de campagne qui a obtenu le prix de l'Académie française, et un essai très politique, comme il l'est fait toujours, La grande peur des bien-pensants. C'est un intempestif, un colérique, un tempétueux, un flamboyant. C'est quelqu'un qui manifeste une indépendance d'esprit ombrageuse, farouche. Il dit que cette indépendance d'esprit, il faut la conquérir chaque jour. Il dit que cette indépendance d'esprit consiste à accueillir la vérité d'où qu'elle vienne. Accueillir la vérité d'où qu'elle vienne, qui est l'exercice le plus difficile qui soit, me semble-t-il. Clémenceau disait de lui qu'il était un anarchiste blanc, anarchiste parce qu'il détestait la bourgeoisie et sa puissance d'argent, blanc aristocrate parce qu'il aimait l'honneur, l'héroïsme, les valeurs chevaleresques. Il se dit monarchiste, catholique fervent. Il a rompu avec l'Action française en 1932, dont tout semble disposer Bernanos à être favorable au camp des nationaux qui ont fait un coup d'État. Or, il est à Majorque depuis 1934, qui est une île gagnée par les monarchistes, et il va peu à peu voir une terreur, ce sont ses termes, s'exercer de la part des nationaux contre les méchants pauvres, c'est encore un terme de lui, contre les méchants pauvres qui restent attachés à la République. Je rappelle juste que la République de 31 a vu le jour et a entraîné le départ d'Alphonse XIII, et qu'en 36, un front populaire a vu le jour aussi, dirigé par Manuel Azaña. Bernanos s'est révolté par cette terreur, mais il est révolté plus encore par l'attitude de l'Église catholique, lui qui est un fidèle passionné du Christ, des Évangiles, car non seulement il constate l'absence de charité qui doit être, dit-il, la mission de l'Église catholique, non seulement il constate la trahison du message christique qui dit qu'il faut résister au mal par les œuvres et non seulement par la foi, mais il observe que l'Église se range du côté des puissants, de la canaille dorée, comme il l'appelle, loin, très loin du poverello, du pauvre des pauvres saint François d'Assise, et il éprouve une colère sans nom. Cette colère, il va la distiller dans des articles journalistiques qu'il envoie à une revue dominicaine à Paris, 7. Et ces articles, il les fondera en 37 et 38 dans un récit qui a pour titre « Les grands cimetières sous la lune ». Je vous lis un des passages des grands cimetières sous la lune. L'avant-veille, 200 habitants de la petite ville de Manacor, jugés suspects par les Italiens, avaient été tirés de leur lit en pleine nuit, conduits par Fournet au cimetière, abattus d'une balle dans la tête et brûlés en tas un peu plus loin. Le personnage, que les convenances m'obligent à qualifier d'évêque-archevêque, avait délégué là-bas un de ses prêtres qui les souliait dans le sang, distribuait des absolutions entre deux décharges. Je n'insiste pas plus longtemps sur les détails de cette manifestation macabre. J'observe simplement que ce massacre de misérables sans défense ne tira pas un mot de blâme, ni même la plus inoffensive réserve des autorités ecclésiastiques qui se contentèrent d'organiser des processions d'action de grâce. Et j'avais retenu encore un autre passage terrible aussi. Voilà ce qu'il écrit. Dès lors, chaque nuit, les équipes recrutées par lui. Il s'agit d'un Italien chemise noire nommé Rossi. Opérèrent dans les hameaux et jusque dans les faubourgs de Palma. Où que ces messieurs exerçassent leurs ailes, la scène ne changeait guère. C'était le même coup discret, frappé à la porte de l'appartement confortable ou à celle de la chaumière, le même piétinement dans le jardin plein d'ombre, qu'un misérable écoute de l'autre côté de la muraille, l'oreille collée à la serrure, le cœur crispé d'angoisse. Suivez-nous. Les mêmes paroles à la femme affolée, les mains qui rassemblent en tremblant les hardes familières jetées quelques heures plus tôt, et le bruit du moteur qui continue à ronfler là-bas, dans la rue. Vous me menez en prison, n'est-ce pas, Seigneur ? Perfectamente, répond le tueur, qui parfois n'a pas 20 ans. Puis c'est l'escalade du camion, où l'on retrouve 2 ou 3 camarades, aussi sombres, aussi résignés, le regard vague. La camionnette grince, s'ébranle, encore un moment d'espoir, aussi longtemps qu'elle n'a pas quitté la grande route, mais voilà déjà qu'elle ralentit, s'engage en cahotant au creux d'un chemin de terre, descendait. Ils descendent, s'alignent, baisant une médaille. Pan, pan, pan. Les cadavres sont rangés au bord du talus, où le fossoyeur les trouvera le lendemain, la tête éclatée, la nuque reposant sur un hideux coussin de sang noir coagulé. Je dis fossoyeur parce qu'on a pris soin de faire ce qu'il fallait non loin d'un cimetière. L'alcalde écrira sur son registre un tel et un tel mort de congestion cérébrale. Je lis les grands cimetières sous la lune en juillet 2013 et je reçois un coup, mais vraiment un coup au cœur, autrement plus violent que celui que j'avais reçu à la lecture de Hemingway, Pour qui sonne le glas, L'espoir de Malraux, et autres textes et autres romans sur la guerre d'Espagne, et autrement plus violent aussi que les témoignages de mes parents qui vécurent la guerre d'Espagne. Oui. Nicolas de Staël disait « Je ne peins pas ce que je vois, je peins le coup reçu. » Eh bien, je peux dire que « Pas pleurer » a été la tentative d'écrire le coup reçu. Je vais donc écrire ce roman en faisant, en croisant 2 voix, la voix de Georges Bernanos, nocturne, désespéré, tragique, révolté, et la voix d'un personnage féminin du prénom de Montse, qui ressemble étrangement à ma mère. Ce sont donc les 2 visages de la guerre qui vont apparaître ici, entremêlés, et qui sont peut-être les visages de toute guerre. Bernanos va prendre en charge la guerre atroce, la guerre injuste, la guerre, la terreur pure, l'effroi, la lâcheté, l'apathie consentante, l'indifférence, l'abandon de tout principe moral et les meurtres ordinaires commis en commun. Montse, quant à elle, va prendre en charge l'autre visage de la guerre, plus difficile à dire dans un monde où la paix est devenue une valeur prétendument indiscutable, celui d'une libération, celui d'une rupture dans l'ordre des jours, celui d'une trêve dans l'ordre de la morale, celui de l'enthousiasme des recommencements et de l'intensification de tous les affects. Alors, la face sombre, d'abord, de la guerre, celle que ne cesse de dénoncer Bernanos dans les grands cimetières sous la lune, celle aussi que déplore Simone Veil en constatant que dans l'atmosphère du combat, du meurtre quotidien, se perdent les objectifs et les aspirations qui animaient précisément le combat et s'efface le sens de la lutte. L'habitude de tuer, dit-elle, ne peut produire que des meurtriers. Et elle écrira une lettre magnifique à Bernanos qu'il gardera toute sa vie dans sa poche et dont je vais vous lire un extrait. Je n'ai jamais vu, ni parmi les Espagnols, ni même parmi les Français venus pour se battre, je n'ai jamais vu personne exprimer, même dans l'intimité, de la répulsion, du dégoût, ou seulement de la désapprobation à l'égard du sang inutilement versé. Vous parlez de la peur. Oui, la peur a une part dans ces tueries, mais là où j'étais, je ne lui ai pas vu la part que vous lui attribuez. Des hommes, apparemment courageux, au milieu d'un repas plein de camaraderie, racontaient, avec un bon sourire fraternel, combien ils avaient tué de prêtres ou de fascistes. Terme très large. J'ai eu le sentiment que lorsque les autorités temporelles et spirituelles ont mis une catégorie d'êtres humains en dehors de ceux dont la vie a un prix, il n'est rien de plus naturel à l'homme que de tuer. Quand on sait qu'il est possible de tuer sans risquer ni châtiment ni blâme, on tue. Ou du moins, on entoure de sourires encourageants ceux qui tuent. Si par hasard on éprouve d'abord un peu de dégoût, on le tait et bientôt on l'étouffe, de peur de paraître manquer de virilité. Il y a là un entraînement, une ivresse à laquelle il est impossible de résister sans une force d'âme qu'il me faut bien croire exceptionnelle puisque je ne l'ai rencontrée nulle part. La guerre donc, face atroce, face brutale et déshumanisante. Mais il y a une autre face de la guerre, une face moins sombre, je n'ose dire heureuse, une face qui peut paraître provocant d'évoquer dans un monde où nous parviennent les images effroyables des ruines de la Syrie. La face positive de la guerre donc, qui a été souvent sujet d'éloges et de célébrations dans la littérature, alors je vais aller un peu vite. Donc, pour les Grecs, la guerre, parce qu'elle fait passer l'intérêt général avant l'intérêt particulier, est une mise à l'épreuve nécessaire pour les hommes libres. La guerre est le lieu du courage, de l'affrontement à la mort. Or, il n'y a de liberté qu'adossée à la mort pour les hommes libres. Seuls d'ailleurs, les hommes libres ont l'honneur de porter les armes, les esclaves n'ont pas ce droit. La littérature chevaleresque qui promeut elle aussi l'exploit guerrier, la guerre comme lieu d'honneur et lieu de l'héroïsme, thème repris ironiquement par le Quichotte de Cervantes, la guerre héroïque qu'il traite avec ironie mais qu'il considère malgré tout comme héroïque. Mieux que cela, et je devrais peut-être dire pire que cela, Roger Caillois, dans L'homme et le sacré, dit qu'il y a une similitude entre la guerre et la fête, les deux ouvrant le temps de l'excès et de la violence, les deux permettant aux hommes de s'adonner à la joie de détruire, je reviendrai plus tard sur cette joie de détruire, mais les deux portant une puissance formidable de régénération et de renaissance. Et chez Shakespeare, on trouve dans nombre de ses pièces cette idée que la guerre est aussi une fête noire, une fête macabre, une fête sanglante, mais une fête et qui ne manque pas de beauté avec ses armures, ses casques et ses oriflammes. Quant à Nietzsche, il ne cesse sans cesse de faire l'éloge de la guerre, ou tout du moins de l'esprit guerrier, c'est-à-dire de l'esprit de celui qui prend des risques par opposition aux commerçants et aux philistins. Je vous cite peut-être cet extrait de « Par-delà le bien et le mal » qui fait froid dans le dos aujourd'hui. Il dit ceci, « C'est une vaine idée d'utopistes et de belles âmes que d'espérer beaucoup encore de l'humanité lorsqu'elle aura désappris de faire la guerre. En attendant, nous ne connaissons pas d'autres moyens qui puissent rendre au peuple fatigué cette rude énergie du champ de bataille, cette profonde haine impersonnelle, ce sang-froid dans le meurtre uni à une bonne conscience, cette commune ardeur organisatrice dans l'anéantissement de l'ennemi, cette fière indifférence, etc. Sans doute, on inventera sous diverses formes des substituts de la guerre, mais peut-être feront-ils voir de plus en plus qu'une humanité d'une culture aussi élevée et par là même aussi fatiguée que l'est l'Europe aujourd'hui a besoin non seulement de guerres, mais des guerres les plus terribles. Bref, un certain nombre de textes nous disent que la guerre n'est pas seulement la barbarie, n'est pas seulement l'absence de compassion et l'indifférence mortelle, n'est pas seulement l'enfer avec ses épouvantes et toute son ordure, la guerre, et c'est aussi cela qui est très difficile à dire, la guerre est peut-être l'occasion d'une délivrance et d'un recommencement. C'est en tout cas ce qu'éprouvent certains personnages de Papleret au début de la guerre civile espagnole. Il faut savoir, mais vous le savez sûrement, que l'Espagne a une longue tradition anarcho-syndicaliste et que, en même temps que le pronunciamento est prononcé de le 18 juillet 36 et la guerre déclarée, la guerre et le coup d'État vont être escortés d'une révolution libertaire. C'est un aspect peut-être assez méconnu de la guerre d'Espagne. C'est ce que Hans Magnus Eisenberger a appelé le bref été de l'anarchie. Ce bref été pendant lequel des communes et des villes en Espagne et notamment en Catalogne s'organisèrent en communes collectives et autogérées, sans police, sans tribunaux, sans patron, sans argent, sans église, sans bureaucratie, sans impôts, dans une sorte d'utopie réalisée, mais qui ne durera que quelques mois et qui sera décapitée très vite par le parti communiste dont elle menaçait l'hégémonie. Et au mois de mai 37, des milices communistes vont arrêter, écrouer et exécuter un nombre très grand d'anarchistes, les accusant d'être des traîtres à la sode d'Hitler. Les communistes cherchaient depuis longtemps à contrôler le jeu politique et à liquider la révolution son contenu anarchiste. C'est de cet épisode sinistre de la guerre civile que parlera Rouelle dans son livre « Hommage à la Catalogne ». Le Collège de France et France Culture vous présentent Antoine Compagnon et l'écrivain Lydie Salvert. Aujourd'hui, Lydie Salvert, Bernanos et la guerre d'Espagne. C'est donc cette expérience littéraire que ma mère et les membres de sa famille, par les hasards de l'histoire, ont vécu. C'est donc cette expérience libertaire que j'ai, entre autres choses, essayé de restituer dans Pas pleurer. Donc, il y a dans Pas pleurer deux personnages masculins, Juan et José, qui voient dans l'effondrement des structures sociales et politiques que la guerre a entraîné l'occasion de rejeter les anciennes dominations, l'occasion aussi d'un dépassement d'eux-mêmes, l'occasion de s'arracher à la fatalité d'une vie toute tracée, l'occasion d'agir sur son propre destin, l'occasion de vivre un événement qui saura nourrir leur capacité d'enthousiasme. Je vais peut-être vous lire un très bref extrait pour vous donner la couleur de l'état d'esprit des jeunes gens qui étaient séduits par cette révolution libertaire. Ils ont tous deux 18 ans. Ils sont nés tous deux dans un village où les choses infiniment se répètent à l'identique, les riches dans leur faste, les pauvres sous leur fait. Un village autarcique et étroit où l'autorité des anciens est aussi intouchable que la fortune des Burgos, où la destinée de chacun est notifiée dès sa naissance et où rien jamais n'arrive qui lève un peu d'espoir, un peu de souffle, un peu de vie. Ils ont tous deux grandi dans un endroit écarté du monde, parcouru seulement par des ânes mélancoliques et les deux automobiles que compte le village, la camionnette déglinguée du père de Juan qui va vendre les légumes à la ville et la Hispano-Suiza de Don Jaime, un trou perdu où ni la télévision, ni le tracteur, ni la motocyclette n'ont encore fait leur apparition, etc. Tous deux se sont heurtés à l'autorité de leur père, sévère par tradition, adepte par tradition de l'éducation filiale à coups de ceinturon, convaincu par tradition que les choses doivent rester à tout jamais ce qu'elles sont et fermé par tradition au dialogue père-fils, les paroles paternelles opérant selon la logique implacable du « c'est comme ça et pas autrement » l'unique qu'ils connaissent et qu'ils estiment juste. Et brusquement, à l'ERIMA, tous deux découvrent des thèses qui s'opposent furieusement à cette vision immuable qu'ils pensaient être la seule concevable. Ils apprennent que les choses peuvent se chambouler, se défaire, se foutre en l'air, que l'on peut refuser sans que le monde croule les discours coutumiers, que l'on peut dire non aux nuistres, aux arrogants, aux tyranniques, aux serviles, aux pleutres, et tout balayer, putain, tout balayer, balayer toute cette misère qu'ils exècrent. Et leur vitalité naturelle est attirée par cette vague houleuse qui fiche tout par terre et fait reverdir les désirs. Ils se laissent emporter par sa crue. Ils rêvent d'actes séditieux, d'insolences grandioses, de choses immenses et inconnues qui s'étendront au-delà de leur vie et marqueront l'histoire. Ils croient à une révolution complète des esprits et des cœurs. Ils croient à cet enchantement. Ils disent qu'ils savent à présent où mettre leur courage. Ils disent qu'ils ne supporteront plus de laisser leurs désirs à la porte d'eux-mêmes. Comme un paraguas en un pasillo. Que leur père se foute bien ça dans le crâne. Fini les peurs et les abdications. Queremos vivir. Ils vont déchanter très vite. Même enthousiasme pour le personnage féminin de Montse, même enthousiasme au départ de la guerre, il faut le préciser, qui a 15 ans en 1936, qui vit dans un village de Catalogne écarté du monde entre une père dévote et un père autoritaire et pour qui la guerre, aussi paradoxale que cela puisse paraître, est vécue comme une émancipation. Monde sait se préparer à être domestique, la guerre va l'en dispenser. Elle vivait dans un village loin de tout. La guerre va la jeter dans la grande ville où elle va découvrir, émerveillée, d'autres façons de vivre et de penser. Elle va découvrir, émerveillée, l'existence du luxe, des réfrigérateurs, de l'électricité, de l'eau courante, l'existence des cafés où les conversations s'enflamment. Elle qui était ignorante de tout et qui vivait sous cloche. Elle découvre surtout le droit de parler, le droit d'habiter son corps et le droit de vivre une histoire d'amour d'autant plus passionnée qu'elle se sait précaire. Aux situations extrêmes, sentiments extrêmes, et s'il est vrai que la guerre exacerbe les passions tristes, la peur, l'angoisse, l'égoïsme, la rancœur, l'indifférence, Bernanos nous l'a dit, elle exacerbe aussi, et c'est son autre visage, la solidarité, les fraternités sans terre, comme le disait magnifiquement Tsvetaeva, ces fraternités sans terre qui conduiront de nombreux jeunes gens en 36 et 37, parmi lesquels Malraux, à s'engager dans les brigades internationales. Et bien évidemment, la guerre exacerbe les sentiments amoureux. Les histoires d'amour sur fond de guerre dans la littérature comme au cinéma sont innombrables et je ne vais pas les citer toutes, mais j'en ai juste retenu une qui me semblait emblématique, celle chantée par Apollinaire dans ses poèmes à Lou, où l'amour et la guerre sont toujours inextricablement liés. Je vous lis ces quelques vers. Les canons, membres génitaux, en grosse l'amoureuse terre, le temps est aux instincts brutaux, pareil à l'amour et la guerre, pareil à l'amour et la guerre. Et dans un autre poème dont le titre est « Merveille de la guerre », il écrit ceci qui paraît assez incompréhensible aujourd'hui, que c'est beau ces fusées qui illuminent la nuit. Ce sentiment d'enthousiasme devant la guerre, Baudelaire le vit aussi pendant la Révolution de 48. Plaisir naturel de la démolition, amour naturel du crime, ces mots de Baudelaire nous renvoient à Freud. Freud qui écrit dans « Considérations actuelles sur la guerre et la mort » « Nous descendons d'une lignée infiniment longue de meurtriers qui avaient dans le sang le plaisir du meurtre, comme peut-être nous-mêmes encore. Il y a peut-être encore en nous un plaisir au meurtre. Il y a peut-être sûrement en nous une pulsion de mort que Freud oppose à la pulsion de vie, et cette pulsion de mort, ce désir de désastre, ce goût de détruire, peuvent trouver à s'assouvir dans la guerre. Il y a en l'homme une part nocturne, une part opaque, dit-il, qui peut lui faire désirer sa propre destruction. La poétesse Sylvia Plath, qui souffrait de mélancolie, avait écrit « Il y a en moi un moi assassin qui veut ma propre mort ». Mais il y a une part nocturne en l'homme qui lui fait aussi désirer la destruction des autres. Pire encore, le désir mortifère de dominer, écraser, humilier et briser l'autre peut être source de volupté, d'ivresse et de joie, et c'est une des phases de la guerre, difficilement acceptable, mais dont il faut faire le triste constat. Peut-être une dernière citation de Nietzsche qui évoque cette ivresse de détruire. Il dit ceci, ces hommes qui, chez eux, sont tenus si sévèrement dans les bornes par la coutume, le respect, l'usage et la surveillance réciproque, ces mêmes hommes se montrent au dehors, là où l'étranger commence, pas bien meilleur que les bêtes fauves déchaînées. Ils jouissent alors d'être libérés de toute contrainte sociale. Ils se dédommagent dans les pays incultes de la tension d'un long internement, d'une longue contrainte dans la paix de la communauté. Alors, ce ne sont que meurtres, incendies, viols joyeux, viols joyeux. La superbe bête de proie blonde reparaît, qu'elle soit romaine, arabe, germanique, japonaise, homérique ou scandinave. Cette autre phase de la guerre, sans doute la plus effrayante, la plus scandaleuse, la plus inacceptable, qu'il est impossible de faire comme si elle n'existait pas, n'est pas présente, d'en pas pleurer. Ils sont présentes, puisqu'il faut conclure, je crois, la guerre comme force de destruction, qui peut être celle qui largement domine aujourd'hui, et la guerre comme éventuellement force de régénération, les deux entremêlés, d'en pas pleurer, chacune sans doute se nourrissant de l'autre, chacune sans doute agissant sur l'autre. Je précise que Pas pleurer n'est pas un traité sur la guerre, mais un roman dont la guerre est un des personnages. Je vous remercie. Merci beaucoup de cette réflexion à partir du roman Pas pleurer. Oui, j'avais omis en vous donnant la parole de mentionner ce qui est sans doute le plus frappant dans ce roman, c'est ce double registre. D'un bout à l'autre, la présence des grands cimetières sous la lune de Vernanos, oui. Qui, vous l'avez dit, a donné l'impulsion oui, initiale au livre, et le passage incessant oui. de Vernanos à l'expérience de cette jeune fille dans ce oui. village. Et vous l'avez dit, parce qu'en même temps, c'est le récit relatif à cette jeune fille, c'est plus ou moins l'expérience de votre mère. Oui. Donc sur un petit théâtre, puisque oui. c'est minuscule. Le village et ce qui se passe dans le village. Et en même temps, c'est la présence du livre de Bernanos qui permet oui. de d'élargir, de donner le contexte oui. de cette guerre. Et alors, si on pense à ce que vous venez de dire, dans le village, au fond, la guerre est absente, sauf à un moment, une action où le frère meurt, où son frère meurt. Donc c'est, pour vous poser cette question, s'il peut y avoir enthousiasme et libération, c'est parce que la guerre est loin. Et le jour où la guerre s'approche, absolument. Eh bien c'est la mort. Et c'est le désastre et le frère meurt. Donc, ne pourrait-on tout de même pas dire que, oui, l'enthousiasme est lié à cette guerre à distance. Est-ce que c'est la beauté de la guerre ou est-ce que c'est... C'est l'idée que la guerre, en faisant s'effondrer tel système, va permettre un renouveau, croit-il oui. Mais vous avez comparé à Baudelaire, par exemple. Baudelaire, c'est la révolution de 48 oui. qui est enthousiasme. Oui. C'est la révolution. Oui. Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt penser là que c'est le caractère révolutionnaire de la circonstance qui donne l'enthousiasme ? Puisque dans le village, oui, bon, il y a les anarcho-syndicalistes et les communistes. Bon, avec cette petite guerre entre eux. Une guerre affective, surtout, d'ailleurs, entre les deux. Et c'est la dimension révolutionnaire qui apporte le bonheur et l'enthousiasme. Sans doute. Je pense que tant que je crois que c'est Cioran qui a eu une critique terrible de l'utopie, il dit tant que le rêve reste rêve, les hommes sont fascinés par l'utopie. Dès que la béatitude, dit-il, est réglementée, dès que le bonheur est obligatoire, dès que le rêve donc n'a plus rien à accomplir, le rêve de l'utopie s'effondre. Ils sont dans cette situation, ils rêvent l'utopie et ils vont déchanter à peu près dès qu'ils arriveront à Barcelone, puisque ils entendront, et je me suis servi de la lettre de Simone Veil pour écrire cet épisode, ils entendront des gens de leur camp, des hommes de leur camp, se réjouir de la mort de prêtre, ce qui constitue pour le personnage sa limite, comme pour Simone Veil. La guerre est rêvée comme un avenir possible d'émancipation, tant qu'elle est rêvée. Tant qu'elle est rêvée. Oui. Et peut-on parler d'une guerre civile, comme d'une guerre, vous avez toujours parlé de guerre, et non de guerre civile. Et bon, ici c'est peut-être en pensant toujours à Montaigne. Montaigne dit on ne sait pas ce qu'est le souverain bien, mais on sait ce qu'est le souverain mal, c'est la guerre civile. C'est quand les amis, les cousins, les frères peuvent être dans l'autre camp, devenir ennemis. Bon, la famille de Montaigne qui est divisée entre catholiques et protestants, comme les familles espagnoles pouvaient être divisées. Donc le pire des mots, c'est la guerre civile. Bien sûr. Trouver dans la guerre civile une justification, cette dimension qui pourrait être émancipatrice. Ouais. Mais on le voit bien dans le livre que la guerre, elle est à l'intérieur de la famille, entre le père et le fils. Elle est dans la famille. Entre le père et le fils d'une famille paysanne, entre le père et le fils d'une famille bourgeoise, entre le frère et la sœur, entre la main prête. Oui. La guerre civile, c'est la guerre à l'intérieur même, sinon de soi, du moins de la famille. De la famille. Et c'est en ça qu'elle est, oui, qu'elle est terrible. Oui, c'est en cela qu'elle est terrible et en cela que, enfin, j'aurais tendance à dire que, à dissocier peut-être plus que vous ne faites, on dit guerre civile, on dit guerre d'Espagne, mais au fond, là où il y a enthousiasme, ce n'est pas dans la guerre. Dans le récit du village, il y a une page de guerre, c'est ça. Il y a au tout début, mais c'est vrai que ça n'est pas la guerre, les réunions du village pour essayer de mettre sur pied la révolution. Ça, c'est l'enthousiasme révolutionnaire. Voilà, ça, c'est au début, puis la guerre se fait sur le front, du côté de l'Èbre. Loin, bien sûr. Mais les passions dans le village sont aussi déchaînées que si la guerre avait lieu dans le village même. Les pour et les contre, les règlements de compte, les vengeances, etc., sont aussi violentes que si la guerre sévissait dans le village même. C'est ça aussi qui est terrible et difficile à comprendre. Maintenant, si on en vient aux dimensions peut-être plus personnelles de ce livre, c'était un livre que vous deviez écrire depuis longtemps. Est-ce qu'on pourrait dire que, bon, puisque c'est au fond un livre d'expérience inaugurale, est-ce que c'était le livre que vous saviez que vous deviez écrire depuis longtemps? Mais encore aujourd'hui... Ou vous avez trouvé Bernanos et qui a permis de l'écrire, c'est un peu ça. Mais encore aujourd'hui, je me demande si, n'ayant pas lu Bernanos, je l'aurais écrit. Je ne suis pas sûre. C'est vraiment Bernanos qui me convoque. Mais vraiment, c'est cette lecture des grands cimetières sous la lune qui, en quelque sorte, m'oblige, est un grand mot, mais me jette dans l'écriture. Et d'ailleurs, je vais commencer le livre sitôt, mais sitôt, le livre referme, les grands cimetières sous la lune refermés. Dans l'instant qui suit la fermeture du livre, j'écrirai les quatre premières lignes. Mais bien sûr, je peux me dire... Parce qu'on peut pendant des années attendre de trouver ce qui peut déclencher l'histoire qu'on a toujours eu envie d'écrire, ou qu'on a toujours senti que l'on devait l'écrire. J'appréhendais de l'écrire. Oui. J'avais peur du pathos. Oui. J'avais peur de tomber dans les larmes et le sentimentalisme, d'où le fait que j'ai réduit la période la plus dramatique, celle de la retirada, à peine quelques pages. Je ne voulais en aucune manière y étaler tout le malheur. Je voulais être fidèle au titre, pas pleurer, qui était un des slogans de ma mère. On ne pleure pas. Donc la troisième partie du livre, oui, très réduite, très courte. Voilà, très courte. Très courte, qui est une sorte d'épilogue. Oui. Il se présente dans le livre tel qu'il est comme l'épilogue. Mais je ne sais pas. Le fait est que je l'ai écrit de façon très aisée, très facile, à la différence d'autres textes qui m'ont demandé bien plus de travail. Celui-ci venait facilement, très facilement, d'un jour l'autre, et avec bonheur. Peut-être parce que ma mère étant morte, le seul fait de ressusciter son nom, de la ressusciter, me faisait du bien. Ce qui aussi peut-être rendait possible d'écrire son histoire. Sûrement, sûrement. Je n'aurais pas eu la nécessité, sûrement, aussi, sans doute. Et votre mère, ce qui est beau dans ce livre aussi, c'est ce jeu de la langue de la mère. C'est la langue de votre mère. Mais bien, enfin, que c'est... j'ai essayé de restituer. Que j'ai... Donc, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, la mère, Monde, c'est le personnage du roman, donc, qui est ma mère dans la vie, s'exprime dans une langue que nous appelions enfant le fragnol, c'est-à-dire dans un mélange épouvantable de français et d'espagnol, avec des incorrections de toutes sortes, des solécismes, des confusions, etc. C'est une langue dont mes sœurs et moi avions honte, enfants, parce qu'elle nous désignait comme les enfants de l'étrangère. Et c'est une langue dont peu à peu j'ai aimé infiniment d'abord le côté drôle. Juste deux exemples que je donne souvent de ce fragnol. Ma mère, grande révolutionnaire à 15 ans, souhaitait que ses filles se mariassent. Marier, se marier en espagnol se dit casar, ser casadas. Et alors, avec le regard le plus lyrique qui soit, elle me disait « Ce serait tellement, tellement beau, ma chérie, que tu sois casée. » Et elle devient aussi, ma mère devient croyante à la fin de sa vie. Croire en espagnol se dit « creer » et croyant « creyente », ce qui est tout près, tout proche du français. Mais ma mère aimait de temps en temps expérimenter des mots nouveaux qu'elle attrapait ça et là. Elle avait l'impression que ça la posait, etc. Et un jour, elle me dit, avec ce même sérieux qu'elle avait, « Il faut que tu saches, ma chérie, que je suis devenue extrêmement crédule. » Et ce mot de crédule, qui a la même étymologie que croire, et qui apporte une valence tellement candide, tellement innocente du fait de croire, voilà des choses qui vraiment m'enchantaient. Et puis, je me dis aussi que c'est une langue qui, comment dire, qui défie, mais sans le vouloir, c'est pour ça que c'est beau, la langue dominante. Et c'est une façon, mais non voulue, de dire que sa langue est singulière. Et je dis souvent que ma mère a été sûrement mon premier grand écrivain, puisqu'elle a véritablement, mais comme toutes ces personnes qui arrivaient du dehors et qui étaient dans l'incapacité de parler un français correct, elle a dû bricoler sa langue. Une langue, oui. C'est l'une des réussites du livre, c'est cette langue. J'ai aimé ce travail. Et là aussi, c'était nouveau dans votre œuvre. J'avais, pour une commande sur Picasso, à propos du Picasso érotique, on m'avait commandé un texte. J'étais allée voir l'exposition et j'avais vu que sur ces cartes postales, Picasso pouvait passer du français à l'espagnol en fonction de ce qu'il avait à dire et de ce qui sonnait le mieux à son oreille. Et donc j'avais écrit ce texte sur Picasso qui s'appelle « Le vif du vivant », en partie en français et en partie, une petite partie, en espagnol. Et j'avais trouvé beaucoup de plaisir à l'écrire. Parce que je défends cette, littérairement cette idée que nous sommes habités d'une infinité. Une infinité, c'est beaucoup dire, que nous avons plusieurs langues. La langue de l'intimité, celle que nous parlons le soir avec nos proches, la langue publique, la langue politique, la langue des métiers, la langue vulgaire, la langue des chansons, etc. Nous sommes habités d'une infinité de langues et souvent nous renonçons à ces langues pour nous plier à la langue du 20h. Et donc ce bonheur aussi de faire exister d'autres langues. Le bien dire que j'aime infiniment parler. Et alors, votre mère parlait espagnol ou catalan? Alors, parce que vous avez dit fragnol. Alors, le père parlant castillan, ma mère parlait castillan. Mais elle avait été élevée. Langue était le catalan, et dès qu'elle voyait sa copine Rosa, elle se mettait immédiatement au catalan, qui était la langue maternelle. Donc vous avez été élevée en castillan. En castillan et pas en catalan. Oui. Et elle a toujours conservé le... Donc elle était bien entre trois langues. Elle était entre trois langues, Oui, entre trois langues. Okay. Et le patois qu'on parlait encore dans le sud-ouest à son époque. Oui. Et le patois, grâce à quoi le grand-père maternel, lorsqu'il est venu nous rendre visite en France, s'entendait parfaitement avec notre voisin qui cultivait son jardin. Ils arrivaient à se comprendre. Et sa famille, ses parents sont restés dans le village. Ses parents sont restés en Espagne. Dans le village. Oui, ma mère est venue. Et votre mère n'y est jamais retournée? Nous y sommes retournés. Ma mère, après moi. Après la et chute de Franco. Pendant la chute. Pendant la chute. Et c'est un souvenir assez contrasté parce que il y avait l'expérience de ma mère qui était plutôt mal à l'aise parce qu'elle devait affronter ceux dans le village qui ne la saluaient pas. Qui la reconnaissaient? Bien sûr. 60... combien d'années après? Oh, 36, on a dû y revenir dans les années... 40 ans après. Et donc elle était la rouge encore. Elle était la rouge pour les gens du village. Pour les gens du village. Et mes sœurs et moi étions, comme elle était émerveillée par la ville, les réfrigérateurs et l'eau courante, nous étions émerveillées par le fait que ma mère allait chercher l'eau avec son cantaro sur la tête à la fontaine. C'était encore ça à l'époque. Et donc nous étions absolument insensibles, en tout cas les enfants, à cette atmosphère et à cette atmosphère plutôt répressive qu'il y avait pendant ces années du franquisme en Espagne. Je crois qu'on va vous remercier. Mais merci à vous. C'était les cours du Collège de France le 27 mars 2018. Vous venez d'écouter le séminaire d'Antoine Compagnon. Aujourd'hui, Lydie Salver, Bernanos et la guerre d'Espagne. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des séminaires et des cours d'Antoine Compagnon. Sa série Les chiffonniers de Paris a donné lieu à un bel ouvrage publié sous ce titre chez Gallimard. Je rappelle le récit de Lydie Salver, Pas pleurer, en point seuil, et Les grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos, en point seuil également. Un grand merci à Andy Signoret de la Bibliothèque de Radio France, réalisation Anne Sécheret, présentation Meryl Meneghetti. Demain, nous retrouverons le séminaire d'Antoine Compagnon sur la guerre et la littérature. Il recevra Jean-Marie Guéhenno. Et dans quelques instants, les petits matins, belle journée à l'écoute de France Culture.